Toujours la même occasion, séminaire, exposition de photos et de livres ont eu lieu du 1er au 3 juillet au Parti socialiste révolutionnaire du Pérou, à l'Université nationale Federico Villarreal du Pérou et au Cercle bangladais d'études de la politique de Sengun. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos qui présentent les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y étaient également exhibées les œuvres classiques des grands hommes Baek-tusan, les photos et les livres montrant les activités des militaires et civils coréens pour l'éducation d'une puissance socialiste et la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Juche. Y ont pris part les personnalités des partis politiques, établissements et formations, ainsi que les habitants des pays hôtes. Par ailleurs, à la même occasion, le comité suisse de souvenirs pour le 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baek-tusan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études Juche ont publié le 1er juillet une déclaration commune.